Vous écoutez donc Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous commençons cette découverte du Nord et la stratégie Sentinelle Nord avec son directeur exécutif Martin Fortier. Bonjour Monsieur Fortier. Bonjour. Alors commençons par la nature de Sentinelle Nord. Qu'est-ce que c'est? C'est un institut? C'est un groupement interfacultaire? C'est une chaire de recherche? Qu'est-ce que c'est? Un peu de tout ça. Un petit peu de tout ça. Peut-être décrire un peu ce qu'est le programme Apogée qui a financé le programme Sentinelle Nord. Ça aiderait à comprendre un peu mieux le programme. Mm-hmm. Donc en 2014, le gouvernement fédéral a mis sur pied un programme qui s'appelle Apogée avec une enveloppe importante de 1,4 milliard de dollars sur 7 ans. Pour aider les universités canadiennes à bâtir sur leurs forces. Donc, Laval a déjà des forces, comme vous l'avez mentionné, en optique photonique, en recherche nordique et d'autres forces. Et ça nous a permis de soumettre un projet, en fait, intégrateur pour essayer de bâtir sur ces forces importantes de Laval et les faire travailler ensemble. Donc, en 2015, Laval a été une des 5 universités à avoir un octroi pour le premier concours, 98 millions de dollars, donc qui est... Une subvention. 98 millions de dollars. Oui, donc c'est une subvention. C'est la plus grande subvention reçue à l'Université Laval dans son histoire, sur 7 ans. Mm-hmm. Et une des plus grandes données dans le cadre de l'Apogée. Donc le programme Apogée, le programme Sentinelle Nord maintenant, bâtit sur ces 4 axes qui sont la recherche nordique, l'optique photonique, comme vous l'avez mentionné, mais aussi sur la neurophotonique, la santé mentale et la santé cardio-métabolique. Mm-hmm. Donc plusieurs grands instituts et forces de Laval travaillent maintenant ensemble et je dirais se tournent vers le Nord pour y trouver des nouvelles solutions. Mais comment ils travaillent ensemble? Parce qu'on a un peu de mal à voir en fait ce que l'optique photonique va faire avec le Nord ou avec la santé mentale des populations nordiques. Je comprends. Puis c'était un peu le défi, je dirais, lorsqu'on articuler regardait tout ça pour monter le projet, ça n'a pas dû être facile. Et au tout début, c'était très audacieux. C'est encore très audacieux, mais on a lancé un premier appel à projet au début 2016 qui a vraiment monopolisé la communauté et créé vraiment beaucoup de nouvelles collaborations. Des chercheurs qui ne se seraient jamais parlé si ce n'était pas de cet appel où il y avait une obligation de transdisciplinarité en fait dans les projets et où maintenant des experts en optique photonique se tournent vers le Nord, travaillent très étroitement avec des biologistes, des écologistes qui travaillaient déjà dans le Nord pour trouver des nouvelles solutions, développer des nouveaux senseurs, des nouvelles mesures, des nouvelles façons de mesurer certains paramètres qui vont nous aider à suivre les impacts des changements climatiques entre autres, mais aussi de la modernisation dans le Nord. Donc, comment, finalement, parce qu'on s'intéresse au Nord, donc comment il subit les impacts climatiques, comment ça impacte les populations, l'industrie minière peut-être dans le Nord, tout ça, ou les écosystèmes. Et que vient faire l'optique? Comment l'optique va aider à suivre ces changements? Il faut dire que Sentinelle Nord s'intègre dans un environnement déjà existant d'excellence en recherche nordique à Laval, donc une grande histoire de recherche nordique. Donc, on ne recommence pas à zéro. Sentinelle Nord amène de nouvelles capacités à la capacité existante de Laval. Donc, le développement, que ce soit... Et vous avez d'excellents, en fait, invités aujourd'hui pour vous donner peut-être des exemples plus concrets des applications de l'optique photonique, que ce soit le suivi, justement, de la fonte du pergélisol et l'impact sur l'infrastructure au millimètre près avec les fibres optiques. Que ce soit le développement de nouveaux capteurs optiques pour suivre les gaz à effet de serre, les mouvements chez les humains, les mouvements chez les animaux, la miniaturisation des caméras, des colliers émetteurs, des senseurs LIDAR, la télédétection. Il y a énormément d'applications optiques photoniques sur lesquelles on peut développer. Historiquement, en recherche nordique, au Canada en général, on est excellent. On fait surtout de la recherche en écologie, en géologie, que je dirais un peu plus standard, si vous voulez. On fait très peu de développement technologique ou d'ingénierie dans la recherche nordique. Ce que Sentinelle Nord amène, en fait, entre autres, c'est vraiment ce focus d'une communauté d'ingénierie d'optique photonique vers des solutions pour le Nord. OK. Donc, si je comprends bien, c'est à la fois un projet qui va permettre de mieux comprendre ce Nord qui évolue sous l'impact des changements climatiques, mais aussi qui va permettre de développer des nouvelles technologies optiques photoniques. Oui, les deux, et travailler en concert pour trouver les solutions, mais mieux mesurer non seulement les impacts sur l'environnement, mais aussi les impacts des changements de cet environnement sur la santé. On parle beaucoup de l'axe optique photonique, mais aussi tout un axe de recherche sur le microbiome, les microbiotes. Donc, il y a toute une expertise aussi sur le microbiote, autant le microbiote environnemental que le microbiote humain, le microbiote intestinal, comme vous savez, et même le lien entre le microbiote intestinal et la santé mentale. Donc, il est un sujet très chaud aussi, et les changements de nutrition, de diète amenée justement par les changements au nord par rapport aux changements de diète, une diète traditionnelle, une diète peut-être plus... OK, donc ça aussi, tout ce volet-là fait aussi partie de la stratégie. Tout ce volet-là fait partie aussi de la stratégie. Donc c'est quand même assez pluridisciplinaire, là. Ça veut dire que finalement, les gens qui travaillent à ce projet, est-ce que c'est tous des chercheurs de l'Université Laval ou également d'autres instituts de recherche? Donc déjà, à l'Université Laval, il y a une mobilisation très importante. On a 132 chercheurs de 31 départements différents, donc 8 facultés différents qui travaillent ensemble et qui, évidemment, amènent aussi leurs collaborateurs, donc hors Laval, donc soit au Québec ou à l'étranger, beaucoup de partenaires aussi, non seulement académiques, mais gouvernementaux et industriels qui viennent se joindre à l'écosystème, si vous voulez, Sentinelle Nord. Ce qui est peut-être le plus excitant, c'est l'arrivée d'étudiants gradués. Il y en a énormément d'étudiants gradués qui vont être formés. Il y a beaucoup de moyens pour du financement de thèses, évidemment, de projets de recherche, mais aussi beaucoup de bourses de mobilité, etc. Mm-hmm. Un programme de formation des écoles doctorales qui vont vraiment, je dirais, former une nouvelle génération de chercheurs nordiques, justement, avec cette ouverture un peu plus grande sur les différents aspects de la recherche et des solutions pour le Nord. Mm-hmm. Et est-ce que les populations nordiques elles-mêmes sont impliquées, quelque part, dans ces projets de recherche? Oui. En fait, vous allez voir tantôt avec Michel Allard, qui est un excellent exemple, qui est souvent dans le Nord, qui a des collaborations directes avec les communautés. Encore une fois, Sentinelle Nord s'intègre dans plusieurs initiatives à l'Université Laval qui ont chacune certaines forces. Donc, que ce soit le réseau de centres d'excellence ArcticNet ou le brise-glace de recherche Amundsen, le CIRA, les études autochtones et aussi maintenant le nouveau programme de l'Institut nordique du Québec. Mm-hmm. Chacun s'attaque à différents aspects, soit géographiques ou aussi, il y a certains des programmes qui touchent plus aux sciences sociales, sciences humaines ou sciences techniques. Donc, tout ça s'intègre ensemble et on doit créer les liens entre ces différents programmes pour pas dupliquer, si vous voulez, les contacts avec les gens du Nord. Mm-hmm. Il y a aussi la définition aussi des gens du Nord pour différents programmes. Au Québec, souvent, on pense aux Inuits du Nunavik, surtout. Le cadre géographique de Sentinelle Nord, c'est un cadre circumpolaire, donc qui fait tout le Nord, tout l'Arctique. Les problématiques de nuit polaire, de cycle de la lumière sur l'humeur, les problématiques du froid sont circumpolaires. Dans le cadre du nord du Canada, surtout autochtones, Inuits, etc., dans le cadre du nord de la Russie ou de la Scandinavie, très différent. Donc, il y a des collaborations à tous les niveaux circumpolaires, non seulement au Québec et au Canada. Ah oui. Oui, puis on parle, en fait, dans les populations nordiques, effectivement, les autochtones dans le nord, mais aussi les travailleurs, ceux qui vont travailler dans les mines, etc., qui ne sont pas nécessairement des travailleurs, des autochtones, et qui viennent, qui reviennent. Donc, peut-être que il y a toute une dynamique par rapport à ça. Et je crois qu'un de vos invités va parler de ça, justement, le suivi de la santé de ces gens-là, les travailleurs aussi, la réalité des gens qui doivent aller travailler au Nord, Tous ces projets de recherche, j'imagine, combinent autant la recherche fondamentale que la recherche appliquée? Oui, les deux, et puis c'est ce qui est intéressant aussi de sentir dans un contexte, je dirais, dans les dernières années où la recherche est beaucoup axée sur la recherche appliquée, ça nous donne une certaine liberté d'y intégrer aussi beaucoup de recherche fondamentale. Mais évidemment, lorsque le capteur ou les recherches fondamentales, la plupart du temps, il y a aussi un spectre d'application, même de commercialisation potentielle de certains de ces travaux, donc dans le court et moyen terme. Mm-hmm. Donc, ça veut dire, est-ce que il y a des applications qui sont attendues de toutes ces recherches? Oui, évidemment. Oui, bien sûr. bien est-ce qu'il y a des objectifs ciblés? En fait, chaque projet a des objectifs. Au niveau des projets, mais au niveau du programme aussi, comme je vous le mentionnais, où il y a soit des cibles, on peut voir des applications très importantes de certains brevets qui sont déjà déposés, mais il y a aussi des applications directes dans les communautés, des applications directes dans certaines applications de mesures, vous allez voir tantôt, qui vont vraiment moderniser aussi la façon dont on fait la recherche dans le Nord. Mm-hmm. Et pour finir aussi, est-ce que donc, j'essaie de résumer, finalement, ces 98 millions, vous m'avez dit? Oui. 98 millions sur 7 ans, donc vont permettre à de multiples étudiants au doctorat de venir faire leurs recherches, etc., aussi bien pour étudier donc les écosystèmes, les populations nordiques, la transformation peut-être du milieu physique avec la fonte, le dégel du pergélisol, etc. Immense spectre de champ d'expertise. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que chaque étudiant gradué doit être co-supervisé par des professeurs de champs différents. Ah. Donc, ce qui va faire, évidemment, les étudiants ont la pression encore d'être les meilleurs dans leur domaine, de se spécialiser d'un certain sens, mais aussi via Centinaire d'avoir une ouverture sur d'autres champs d'expertise. Et on a beaucoup d'exemples ici, un programme qui existe à Laval, unique, qui est le programme de biophotonique, qui est un programme crédité, donc gradué, qui forme des étudiants en biophotonique. Et déjà, on voit dans la capitale des résultats importants. Donc, ces gens ne restent pas... disons, se font arracher par l'industrie. Oui. Donc, c'est des gens qui sont extrêmement... Ah oui, ils n'ont pas de mal après à aller se placer dans toute l'industrie, à Québec, même peut-être à l'INO et autres. Oui, non, il y a un très grand marché en optique photonique, mais on croit qu'on va aussi développer un marché, surtout en suivi de l'environnement et des chercheurs un peu plus polyvalents, si vous voulez. D'accord. Bien, merci beaucoup, M. Fortier, pour cette présentation de Sentinelle Nord. Je rappelle que donc vous êtes le directeur exécutif de Sentinelle Nord. Et maintenant qu'on a un aperçu de Sentinelle Nord, on va rentrer davantage dans le sujet. On voit que le sujet est très vaste dans tous les sens du terme, vaste parce qu'il porte sur le Nord dans tout son ensemble, les écosystèmes, le terrain, les populations, les maladies, et vaste parce que le Nord, tout simplement, c'est vaste. Et les chercheurs ne peuvent pas être partout dans le Nord en tout temps et pour faire leur suivi. Alors, comment on fait pour suivre un aussi vaste territoire? On le fait à distance avec différents capteurs, des appareils de mesure. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, donc après la pause musicale sur CKRL au 89.1.